les jours, ni même dans où de penser. Sentiment, l'amour l'a fini installé. Prouve à moi que moi la printemps, c'est de où que m'y veut encore. Donne à moi la main, ensemble aller loin. C'est de où que moi la rêvé, avec où m'a pas hésité. Allez viens, laisse à nous emporter. Prouve à moi que moi la printemps, c'est de où que m'y veut encore. Donne à moi la main. Laisse-nous emporter.